Chapitre 7. Et de 3. Je l'avoue, tout d'abord ma surprise fut grande à la lecture de cette lettre. Déo et Déa s'échappèrent de ma bouche. La vieille servante me regardait, ne sachant trop que penser. Est-ce que monsieur vient de recevoir une mauvaise nouvelle ? À cette demande de Grad, je n'avais guère de secret pour elle. Je répondis simplement en lui lisant la lettre depuis la première jusqu'à la dernière ligne. Grad écoutait, me regardant avec une réelle inquiétude. « Un mystificateur, sans doute, » fis-je en haussant les épaules. « À moins que ce ne soit le diable, puisque cela vient du pays du diable, » ajouta Grad, toujours hanté d'interventions diaboliques. Resté seul, je parcourus de nouveau cette lettre si inattendue, et après réflexion, je m'en tins à l'idée qu'elle devait être l'œuvre d'un mauvais plaisant. Pas d'erreur possible. Mon aventure était connue. Les journaux ayant raconté en détail notre mission dans la Caroline du Nord et la tentative faite pour franchir l'enceinte du Great Eyrie, tout le monde savait pour quelles raisons, M. Smith et moi, nous n'avions pu réussir. Et alors un farceur, comme il s'en rencontre même en Amérique, a pris la plume et pour se moquer, a écrit cette lettre des plus comminatoires. En effet, à supposer que l'air en question servit de refuge à une bande de malfaiteurs, devant craindre que la police ne découvrît leur retraite, ce n'est pas l'un d'eux qui aurait commis l'imprudence de la dévoiler. N'avait-il pas un intérêt majeur à ce que leur présence dans ce repère demeurât ignorée? Ne serait-ce pas inciter les agents à faire de nouvelles recherches en cette région des montagnes bleues? Quand il s'agirait de capturer un ramassis de gens suspects, on saurait bien les atteindre. La mélinite ou la dynamite parviendrait à éventrer l'enceinte. Il est vrai, comment ces malfaiteurs avaient-ils pu y pénétrer, à moins qu'il n'existât un passage que nous n'avions pas découvert? Quoi qu'il en fût, et même en admettant cette hypothèse, jamais l'un d'eux n'aurait eu l'imprudence de m'adresser cette lettre. Restait donc cette explication, c'était qu'elle fût de la main d'un mystificateur ou d'un fou, et à mon avis, je ne devais pas autrement m'en inquiéter, ni même m'en préoccuper. Aussi, ayant eu un instant la pensée d'en donner communication à M. Ward, je décidai de ne point le faire. Il n'y eut attaché aucune importance à cette lettre. Cependant, je me gardai de la déchirer, et c'est dans mon bureau qu'elle fut serrée à tout hasard. S'il m'arrivait d'autres épîtres de ce genre, avec les mêmes initiales, je les joindrais à celle-ci, sans leur accorder plus de créance. Plusieurs jours s'écoulèrent, pendant lesquels je me rendis comme d'habitude à l'hôtel de la police. J'avais quelques rapports à terminer, et rien ne me faisait prévoir que j'eusse à quitter prochainement Washington. Il est vrai, en notre partie, est-on jamais sûr du lendemain? Mainte affaire peut se présenter qui vous oblige à courir les États-Unis, depuis l'Oregon jusqu'à la Floride, depuis le Maine jusqu'au Texas. Et cette idée me revenait souvent. Si j'étais chargé d'une nouvelle mission, et si je ne réussissais pas mieux que dans la campagne du Great Eyrie, je n'aurais plus qu'à démissionner et à prendre ma retraite. En ce qui concerne l'affaire du ou des chauffeurs, on n'en entendait plus parler. Je savais que le gouvernement avait ordonné de surveiller les routes, les fleuves, les lacs, toutes les eaux américaines. Mais peut-on exercer une surveillance effective sur un immense pays qui s'étend du 60e méridien au 120e et du 30e degré de latitude jusqu'au 45e degré, avec l'Atlantique d'un côté, le Pacifique de l'autre, le vaste golfe du Mexique qui baigne ses côtes méridionales? L'introuvable bateau n'avait-il pas là un immense champ d'évolution où il devait être insaisissable? Mais je le répète, ni l'un ni l'autre appareil n'avait été revu, et on le sait, lors de ses dernières apparitions, son inventeur n'avait pas précisément choisi les endroits les moins fréquentés. Cette grande route du Wisconsin, un jour de course, ses parages de Boston incessamment sillonnés par des milliers de navires. Si donc cet inventeur n'avait pas péri, ce qui pouvait s'admettre d'ailleurs, où était-il maintenant? Hors de l'Amérique? Peut-être dans les mers de l'ancien continent, où il se cachait en quelque retraite connue de lui seul? Et à moins que le hasard... Hé, me répétais-je parfois, en fait de retraite aussi secrète qu'inaccessible, ce fantastique personnage n'aurait pas mieux trouvé que le Great Eyrie? Il est vrai, un bateau ne saurait pas y pénétrer plus qu'une automobile. Seuls les grands oiseaux, aigles ou condors, peuvent y chercher refuge. Je dois noter que depuis mon retour à Washington, aucun nouveau déchaînement de flammes n'avait effrayé les habitants du district. M. Elias Smith ne m'ayant point écrit à ce sujet, j'en concluais avec raison qu'il ne se produisait rien d'anormal. Tout donnait à penser que les deux affaires, auxquelles s'était si passionnément attachée la curiosité et l'inquiétude publique, allaient tomber dans un complet oubli. Le 19 juin, vers 9 heures, je me rendais à mon bureau quand, en sortant de la maison, je remarquai deux individus qui me regardèrent avec une certaine insistance. Ne les connaissant pas, je n'y pris garde, et si mon attention fut attirée à ce sujet, c'est que la bonne Grad m'en parla à mon retour. Depuis quelques jours, ma vieille servante avait observé que deux hommes semblaient mes pieds dans la rue. Ils faisaient les 100 pas devant ma demeure, et me suivaient, paraît-il, lorsque je remontais Long Street pour me rendre à l'hôtel de la police. « Vous êtes sûr de ce que vous dites ?» demandai-je. « Oui, monsieur, et pas plus tard qu'hier, quand vous rentriez, ces individus qui marchaient sur vos talons sont partis dès que la porte a été fermée. »« Voyons, Grad, ce n'est point une erreur ?»« Non, monsieur. » « Et si vous rencontriez ces deux hommes, vous les reconnaîtriez ?»« Je les reconnaîtrais. »« Allons, allons, ma bonne Grad, » répliquai-je en riant. « Je vois que vous possédez un véritable flair de policeman. Il faudra que je vous engage dans la brigade de sûreté. »« Plaisantez, monsieur, plaisantez. J'ai de bons yeux encore, et n'ai point besoin de lunettes pour dévisager les gens. On vous espionne, ce n'est pas douteux, et vous feriez bien de mettre quelques agents sur la piste de ces espions. » « Je vous le promets, Grad, » répondis-je pour satisfaire la vieille femme, « et avec un de mes détectives, je saurai bientôt comment tenir sur ces personnages suspects. » Au fond, je ne prenais point cette communication au sérieux. J'ajoutai cependant, « Lorsque je sortirai, j'observerai avec plus d'attention les passants. »« Ce sera prudent, monsieur. » Grad, s'alarmant facilement d'ailleurs, je ne sais pourquoi je ne voulais pas attacher d'importance à son dire. « Si je les revois, » reprit-elle, « je vous préviendrai, monsieur, avant que vous mettiez le pied dehors. »« C'est entendu. » J'interrompis la conversation, prévoyant bien que, à la continuer, Grad finirait par assurer que c'était Belzébuth et un de ses acolytes que j'avais à mes trousses. Les deux journées suivantes, il fut manifeste que personne ne m'épiait, ni à ma sortie, ni à ma rentrée. J'en conclus que Grad avait fait erreur. Or, dans la matinée du 22 juin, après avoir monté l'escalier aussi rapidement que lui permettait son âge, voici que Grad pousse la porte de ma chambre et à demi essoufflé me dit « Monsieur, monsieur !»« Qu'y a-t-il, Grad ?»« Ils sont là !»« Qui ?» demandai-je, songeant à toute autre chose qu'à la filature dont j'eusse été l'objet. « Les deux espions !»« Ah, ces fameux espions !»« Eux-mêmes, dans la rue, en face de vos fenêtres, observant la maison et attendant que vous sortiez !» Je m'approchai de la fenêtre, et le rideau légèrement soulevé, afin de ne point donner l'éveil, j'aperçus deux hommes sur le trottoir. Deux, en effet, taille moyenne, vigoureusement constituée, larges épaules, d'un âge entre 35 et 40 ans, vêtus comme le sont d'ordinaire les gens de la campagne, chapeau de feutre ombrageant la tête, pantalon d'épaisse laine, fortes bottes, bâton à la main. Nul doute ils examinaient avec obstination la porte et les fenêtres de ma demeure. Puis, après avoir échangé quelques paroles, ils faisaient une dizaine de pas sur le trottoir et revenaient prendre leur poste. « Ce sont bien les individus que vous aviez déjà remarqués, Grad ?» demandai-je. « Sûrement, monsieur. » En somme, je ne pouvais plus croire à une erreur de ma vieille servante, et je me promis d'éclaircir cette affaire. Quant à suivre moi-même ces hommes, non, ils m'auraient aussitôt reconnu, et à quoi m'eût servi de m'adresser directement à eux. Aujourd'hui même, un agent sera de garde devant la maison, et s'ils reparaissent le soir ou le lendemain, on les filera à leur tour. On les accompagnera jusqu'où il leur plaira d'aller, et leur identité finira par être établie. Maintenant, m'attendaient-ils pour m'escorter jusqu'à l'hôtel de la police? C'est ce que j'allais voir, et s'ils le faisaient, ce serait peut-être l'occasion de leur offrir une hospitalité dont ils ne nous remercieraient pas. Je pris mon chapeau, et tandis que Grad restait près de la fenêtre, je descendis, j'ouvris la porte, je mis le pied dans la rue. Les deux hommes n'étaient plus là. Mais leur signalement, gravé dans ma mémoire, ne s'en effacerait plus. Malgré toute l'attention que j'y apportais, je ne pus les apercevoir. À partir de ce jour, d'ailleurs, ni Grad ni moi, nous ne les revîmes devant la maison, et ils ne se rencontrèrent plus sur ma route. Peut-être après tout, en admettant que j'eusse été l'objet d'un espionnage, savait-il de moi ce qu'il désirait savoir, maintenant qu'il m'avait vu de leurs yeux. Et je finis par ne point accorder à cette affaire plus d'importance qu'à la lettre aux initiales MDM. Or, voici que la curiosité publique fut sollicitée de nouveau et dans des circonstances vraiment extraordinaires. Il est bon de rappeler tout d'abord que les journaux n'entretenaient plus leurs lecteurs des phénomènes du Great Erie qui ne s'étaient pas renouvelés. Même silence sur l'automobile et le bateau, dont nos meilleurs agents n'avaient pu trouver trace. Et très vraisemblablement, tout cela eût été oublié si un fait nouveau ne fût venu remettre ces incidents en mémoire. Dans le numéro du 22 juin, des milliers de lecteurs purent lire l'article suivant publié par l'Evening Star et que toutes les feuilles de l'Union reproduisirent le lendemain. Le lac Kendall, situé dans le Kansas, à 80 milles à l'ouest de Topeka, le chef-lieu, est peu connu. Il mérite cependant de l'être et le sera sans doute car l'attention publique est attirée sur lui d'une façon très particulière. Ce lac, compris dans une région montagneuse, ne paraît avoir aucune communication avec le réseau hydrographique de l'État. Ce qu'il perd par l'évaporation, il le regagne par le tribut des pluies abondantes en cette partie du Kansas. La superficie de Kendall est évaluée à 75 000 carrés et son niveau paraît être quelque peu supérieur à la côte moyenne du sol. Enfermé dans son cadre orographique, il est d'un accès difficile à travers d'étroites gorges. Cependant, plusieurs villages se sont fondés sur ses bords. Il fournit du poisson en grande abondance et les barques de pêche le sillonnent en toutes directions. Ajoutons que la profondeur du Kendall est très variable. Près des rives, elle n'est pas inférieure à 50 pieds. Ce sont des roches presque à pic qui forment les bords de cette vaste cuvette. Les houles, soulevées par le vent, battent parfois son littoral avec fureur et ses habitations riveraines y sont noyées sous les embruns comme sous les averses d'orage. Les eaux, déjà profondes à la périphérie, le sont plus encore en gagnant vers le centre où par de certains endroits les sondes ont accusé jusqu'à 300 pieds. C'est une eau limpide et douce qui remplit ce lac. Naturellement, il ne s'y rencontre aucune espèce de poisson de mer, mais des brochets, des perches, des truites, des carpes, des goujons, des anguilles, etc., en quantité prodigieuse et de dimensions peu ordinaires. On comprendra donc que la pêche du Kendall soit très fructueuse, très suivie. Il ne faut pas évaluer à moins de plusieurs milliers les pêcheurs qui l'exercent et à plusieurs centaines les embarcations dont ils se servent. À cette flottille, il convient d'ajouter une vingtaine de petites goélettes et de chaloupes à vapeur qui font le service du lac et assurent les communications entre les divers villages. Au-delà du cadre de montagne, fonctionne le réseau des railroads qui facilite le débit de cette industrie dans le Kansas et les États voisins. Cette description du Kendall est nécessaire pour la compréhension des faits que nous allons rapporter. Et voici ce que racontait l'Evening Star dans cet article sensationnel. Depuis quelque temps, les pêcheurs ont remarqué qu'un trouble inexplicable se produit à la surface du lac. Par instants, elle se soulève comme au contre-coup d'une lame de fond. Même en l'absence de toute brise, par temps calme, ciel pur, cette dénivellation s'effectue au milieu d'un mélange d'écume. À la fois ballottée par des secousses de roulis et de tangage, les embarcations ne peuvent se maintenir en bonne route. Elles sont précipitées les unes contre les autres, menacent de chavirer, et il en résulte de graves avaries. Ce qu'il y a de certain, c'est que le bouleversement des eaux prend naissance dans les basses couches du Kendall, phénomène auquel on a cherché diverses explications. Tout d'abord, on s'est demandé si ce trouble n'était pas dû à un mouvement sismique modifiant les fonds du lac sous l'influence des forces plutoniennes. Mais cette hypothèse dut être repoussée lorsqu'il fut reconnu que la perturbation n'était pas localisée et se prolongeait sur toute l'étendue du Kendall, à l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud, au centre comme sur les bords, successivement, régulièrement pourrait-on dire, ce qui exclut toute idée d'un tremblement de terre ou d'une action volcanique. Une hypothèse différente ne tarda pas à se formuler. N'était-ce point la présence d'un monstre marin qui bouleversait les eaux du Kendall avec cette violence? Mais à moins que le dit monstre ne fût né dans ce milieu, ne s'y fût développé dans des proportions gigantesques, ce qui est peu admissible, il faudrait que venu du dehors, il eût pu s'introduire dans le lac. Or, le Kendall n'a aucune communication avec l'extérieur. Quant à l'existence de canaux souterrains alimentés par les rivières du Kansas, cette explication n'eût pas supporté l'examen. Et encore, si cet État avait été situé près du littoral de l'Atlantique, du Pacifique, du Golfe du Mexique. Non, il est central et à grande distance des mers américaines. Bref, la question ne semble pas facile à résoudre, et il est plus aisé d'écarter les données manifestement fausses que de découvrir l'exacte vérité. Or, s'il est démontré que la présence d'un monstre dans le cœur d'Al est impossible, ne s'agirait-il pas plutôt d'un sous-marin évoluant à travers les profondeurs du lac? Est-ce qu'il n'existe pas à notre époque nombre d'engins de ce genre? Et précisément, à Bridgeport, dans le Connecticut, n'a-t-on pas lancé, il y a quelques années, un appareil, le Protector, qui pourrait naviguer sur l'eau, sous l'eau, et aussi se mouvoir sur terre? Construit par un inventeur du nom de Lake, muni de deux moteurs, l'un électrique, de 75 chevaux, actionnant deux hélices jumelles, l'autre à pétrole, de 250 chevaux, il était en outre pourvu de roues en fonte d'un mètre de diamètre qui lui permettaient de rouler sur les routes comme sur le fond des mers. Fort bien, mais en admettant que les perturbations observées soient produites par le passage d'un submersible, système Lake, même poussé à un plus haut degré de perfection, reste toujours cette question. Comment a-t-il pu pénétrer dans le cœur d'Al et par quelle voie souterraine y serait-il arrivé? On le répète, ce lac, enfermé de toutes parts dans un cirque de montagnes, n'est pas plus accessible aux bateaux qu'aux monstres marins. Une telle objection paraît donc être sans réplique. Cependant, la seule hypothèse admissible, c'est qu'un appareil de cette espèce circule sous les eaux du cœur d'Al et ajoutons qu'il ne s'est jamais montré à sa surface. Du reste, il n'est plus possible d'en douter maintenant, après ce qui s'est passé à la date du 20 juin dernier. Ce jour-là, l'après-midi, la goélette Markel, courant toute voile dehors vers le nord-ouest, est venue en collision avec un corps qui flottait entre deux eaux. Cependant, il n'existe aucun écueil en cet endroit, où la sonde accuse une profondeur de 80 à 90 pieds. La goélette, attaquée dans son flanc de bâbord, risquait d'emplir et de couler bas en quelques minutes. On parvint, c'est vrai, à aveugler cette voie d'eau et elle put rallier le port le plus voisin à 3 000 de là. Lorsque la Markel, après déchargement, eut été halée sur une grève, l'avarie fut examinée à l'intérieur comme à l'extérieur. Et tout démontra que la goélette avait reçu un véritable coup d'éperon dans sa coque. Or, cette constatation faite, il est impossible de nier la présence d'un sous-marin sous les eaux du cœur d'Al, où il se meut avec une extrême rapidité. Mais alors, il y a lieu de faire cette remarque. En admettant qu'un appareil de ce genre ait pu s'introduire à l'intérieur du lac, qu'est-il venu y faire? Est cela un lieu propice à de telles expériences? Puis pourquoi ne remonte-t-il jamais à la surface et quel intérêt aurait-il à rester inconnu? L'article de l'Evening Star se terminait par ce rapprochement vraiment étrange. Après l'automobile mystérieuse, le bateau mystérieux. Après le bateau mystérieux, le sous-marin mystérieux. Faut-il en conclure qu'ils sont tous trois dus au génie du même inventeur et que tous trois ne font qu'un seul appareil? Chapitre 8. À tout prix. Ce fut comme une révélation, et d'un effet immense, accepté, dirait-on, unanimement. Étant donné la propension de l'esprit humain vers l'extraordinaire, souvent même vers l'impossible, personne n'en voulut plus douter. Non seulement c'était le même inventeur, mais c'était le même appareil. Et pourtant, comment pouvait s'accomplir dans la pratique cette transformation d'une automobile qui devenait bateau puis sous-marin? Un engin de locomotion propre à circuler sur terre, sur et sous les eaux? Eh bien, il ne lui manquerait plus que de voler à travers l'espace. Mais enfin, rien qu'à s'en tenir à ce que l'on savait, à ce qui était constaté, à ces faits auxquels de nombreux témoins apportaient un indiscutable appui, cela devait être regardé comme absolument extraordinaire. Aussi le public, déjà blasé sur les derniers événements, trouva-t-il un nouveau regain de curiosité. Tout d'abord, les journaux firent cette observation très juste. En admettant qu'il y eût trois appareils distincts, ils étaient actionnés par un moteur d'une puissance supérieure à tous ceux que l'on connaissait. Ce moteur avait fait ses preuves. Et quelle preuve, puisqu'il engendrait cette vitesse d'un mille et demi par minute. Eh bien, au créateur de cette machine, il fallait acheter son système à tout prix. Que ce système fût appliqué à trois appareils ou à un seul, capable de se mouvoir en des milieux si divers, il n'importait. Acquérir le moteur qui donnait de pareils résultats, s'assurer son exploitation en toute propriété, telle était l'affaire à conclure. Évidemment, d'ailleurs, les autres États ne négligeraient rien pour devenir possesseur d'un engin qui serait si précieux dans l'armée comme dans la marine. On comprend quels avantages en retirerait une nation sur terre et sur mer. Comment empêcher ces effets destructeurs, puisqu'on ne pouvait l'atteindre? Il fallait donc s'en rendre maître à coups de millions, et l'Amérique ne saurait faire des siens un meilleur usage. Ainsi raisonnait le monde officiel et aussi le populaire. Les feuilles publiques s'épuisaient en articles sur ce palpitant sujet, et assurément l'Europe ne resterait pas en arrière des États-Unis en de telles circonstances. Mais pour acheter l'invention, nécessité de retrouver l'inventeur, et là apparaissait la véritable difficulté. En vain n'avait-on fouillé le lac Kerdal et promené la sonde à travers ses eaux. Y avait-il lieu d'en conclure que le sous-marin ne parcourait plus ses profondeurs? Dans ce cas, comment était-il parti? Il est vrai, comment était-il venu? Insoluble problème. Et puis il ne se montrait nulle part, pas plus que l'automobile sur les routes de l'Union, pas plus que le bateau sur les parages américains. Plusieurs fois lors des visites que je faisais à M. Ward, nous avions causé de cette affaire qui ne laissait pas de le préoccuper. Les agents continueraient-ils ou non des recherches jusque-là infructueuses? Or, dans la matinée du 27 juin, voici que je fus mandé à l'hôtel de la police. Et dès mon entrée dans son cabinet, M. Ward me dit « Eh bien, Stroke, est-ce qu'il n'y aurait pas là une belle occasion de prendre votre revanche ?»« La revanche du Grey Terry ?»« Précisément. »« Quelle occasion ?» demandai-je, ne sachant trop si mon chef me parlait sérieusement. « Voyons, reprit-il, n'aimeriez-vous pas à découvrir l'inventeur de cet appareil à triple fin ?»« N'en doutez pas, M. Ward, » répondis-je. « Donnez-moi l'ordre de me mettre en campagne et je ferai l'impossible pour réussir. Il est vrai, je crois, que ce serait difficile. »« En effet, Stroke, est peut-être plus difficile que de pénétrer dans le Grey Terry. » Il était évident, pour employer un mot français qui n'a pas d'analogue dans notre langue, que M. Ward me blaguait volontiers à propos de ma dernière mission. Toutefois, il le faisait sans méchanceté et plutôt avec l'intention de me piquer au jeu. Il me connaissait d'ailleurs. Il savait que j'eusse donné tout au monde pour reprendre la tentative manquée. Je n'attendais que de nouvelles instructions. M. Ward me dit alors, et du ton le plus amical, « Je sais, Stroke, que vous avez fait tout ce qui dépendait de vous, et je n'ai rien à vous reprocher. Mais il n'est plus question maintenant du Grey Terry. Le jour où le gouvernement tiendrait à forcer son enceinte, il lui suffirait de ne point regarder à la dépense, et avec quelques milliers de dollars, il obtiendrait satisfaction. » C'est mon avis. Cependant, ajouta M. Ward, je crois qu'il est plus utile de mettre la main sur le fantastique personnage qui nous a constamment échappé. Ce serait œuvre de police et de bonne police. Les rapports ne l'ont pas signalé de nouveau? Non, et bien qu'il y ait tout lieu de croire qu'il manœuvrait sous les eaux du Kerdal, il a été impossible de reprendre sa piste. C'est à se demander s'il n'a pas encore la faculté de se rendre invisible, se protéger de la mécanique. « En tout cas, s'il n'a pas ce don, répondis-je, il est probable qu'il ne se laisse jamais voir que si cela lui convient. »« Juste, Stroke, et à mon avis, il n'y a qu'un moyen d'en finir avec cet original, c'est de lui offrir un tel prix de son appareil qu'il ne puisse se refuser à le vendre. » M. Ward avait raison. Aussi, est-ce dans ce sens que le gouvernement allait faire une tentative pour entrer en pourparlers avec ce héros du jour? Et jamais créature humaine mérita-t-elle plus justement cette qualification. La précédant, l'extraordinaire personnage ne manquerait pas d'apprendre ce qu'on voulait de lui. Il connaîtrait les conditions exceptionnelles auxquelles on lui proposerait de livrer son secret. « Et de vrai, concluait M. Ward, En quoi cette invention lui serait-elle d'une utilité personnelle? N'aurait-il pas tout avantage à en tirer profit? Il n'y a aucune raison pour que cet inconnu soit un malfaiteur qui, grâce à sa machine, défierait toute poursuite. Cependant, d'après ce que venait de me dire mon chef, on était décidé en haut lieu à employer d'autres procédés pour réussir. La surveillance exercée par de nombreux agents sur les routes, les fleuves, les rivières, les lacs et aussi les parages voisins n'avait produit aucun résultat. Et sauf le cas possible, après tout, où l'inventeur eût péri avec sa machine dans quelque dangereuse manœuvre, si on ne le voyait plus, c'est qu'il entendait ne plus se laisser voir. Or, depuis l'accident de la goélette Markle sur le cœur d'Al, aucune nouvelle n'était parvenue à l'hôtel de police, et l'affaire n'avait point avancé d'un pas. Voilà ce que me répéta M. Ward, et il ne cherchait guère à cacher son désappointement. Oui, désappointement, déception, et en somme, difficulté de plus en plus grave d'assurer la sécurité publique. Allez donc poursuivre les malfaiteurs quand ils seront devenus insaisissables sur terre et sur mer. Allez donc les poursuivre sous les eaux. Et lorsque les ballons dirigeables auront atteint leur dernier degré de perfection, allez donc poursuivre les bandits à travers l'espace. Et j'en arrivais à me demander si quelque jour mes collègues et moi, nous ne serions pas réduits à l'impuissance, à l'inactivité, et si tous les policiers, devenus inutiles, ne seraient pas définitivement mis à la retraite. À cet instant me revint le souvenir de la lettre reçue une dizaine de jours avant, cette lettre datée du Greatery qui me menaçait dans ma liberté et même dans ma vie si je renouvelais ma tentative. Je me rappelais aussi le singulier espionnage dont j'avais été l'objet. Depuis, aucune autre lettre de ce genre. Quant aux deux individus suspects, aucune rencontre avec eux. La vigilante Grad, toujours aux aguets, ne les avait pas vus reparaître devant la maison. Je me demandais s'il ne vaudrait pas mieux mettre M. Ward dans la confidence, mais à bien réfléchir, l'affaire du Greatery ne présentait plus d'intérêt. L'autre en avait effacé jusqu'au souvenir. Très probablement, les campagnards du district n'y songeaient guère, puisque les phénomènes, cause de leur épouvante, ne s'étaient pas renouvelés et ils vaquaient tranquillement à leurs occupations habituelles. Je me réservai donc de ne communiquer cette lettre à mon chef que si les circonstances l'exigeaient plus tard. D'ailleurs, il n'aurait vu là qu'une farce de mauvais plaisants. Reprenant alors la conversation, interrompue pendant quelques minutes, M. Ward me dit « Nous allons essayer d'entrer en communication avec cet inventeur et de traiter avec lui. Il a disparu, ce n'est que trop vrai, mais il n'y a pas de raison pour qu'il ne reparaisse un jour ou l'autre, et que sa présence ne soit de nouveau signalée sur un point quelconque du territoire américain. C'est vous, Stroke, que nous avons choisi, et au premier avis, tenez-vous prêt à partir sans perdre une heure. Ne sortez que pour venir à l'hôtel de la police, où vous recevrez nos dernières instructions, s'il y a lieu. » « Je me conformerai à vos ordres, Monsieur Ward, » répondis-je, « et je serai prêt à quitter Washington pour n'importe quelle destination au premier signal. » Mais une question que je me permets de vous poser. Devrais-je agir seul ou ne conviendrait-il pas de m'adjoindre ? C'est ainsi que je l'entends, dit M. Ward en m'interrompant. Faites choix de deux agents en qui vous aurez toute confiance. Ce sera facile, M. Ward. Et maintenant, si un jour ou l'autre je suis en présence de notre homme, qu'aurais-je à faire ? Tout d'abord, ne plus le perdre de vue et au besoin même vous assurer de sa personne, car vous serez muni d'un mandat d'arrêt. Utile précaution, Monsieur Ward. S'il venait à sauter sur son automobile et à filer au train que vous savez, essayez donc d'attraper un gaillard qui fait du 240 à l'heure. Aussi ne faut-il pas qu'il les puisse faire, Stroke, et l'arrestation opérée, passez une dépêche, le reste nous regarde. Comptez sur moi, Monsieur Ward. À toute heure de jour ou de nuit, je serai prêt à partir avec mes agents. Je vous remercie de m'avoir confié cette mission, qui, si elle réussit, me fera grand honneur. « Et grand profit !» ajouta mon chef en me congédiant. Rentré à la maison, je m'occupais des préparatifs d'un voyage qui pouvait être de quelque durée. Peut-être Grad s'imagina-t-elle qu'il s'agissait de retourner au Greatery. Elle n'en ignore pas ce qu'elle pensait de cette antichambre de l'enfer. Toutefois, elle ne me fit aucune observation, et je préférais ne point la mettre dans la confidence, si certain que je fusse de sa discrétion. En ce qui concerne les deux agents qui devaient m'accompagner, mon choix était fait d'avance. tous deux appartenaient à la brigade d'information, âgés l'un de 30, l'autre de 32 ans, ayant donné en maintes circonstances et sous mes ordres des preuves de vigueur, d'intelligence, d'audace. L'un, John Hart, de l'Illinois, l'autre, Nab Walker, de Massachusetts. Je n'aurais pu avoir la main plus heureuse. Quelques jours s'écoulèrent. Aucune nouvelle, ni de l'automobile, ni du bateau, ni du submersible. Si quelques indications parvinrent à l'hôtel de la police, elles furent reconnues fausses, et il n'y eut pas lieu de leur donner suite. Quant aux racontars des journaux, ils n'avaient aucune valeur, et l'on sait bien que les feuilles mêmes les mieux informées sont toujours sujettes à caution. Cependant, par deux fois, il ne fut pas douteux que l'homme du jour s'était remontré, la première sur une des routes de l'Arkansas aux environs de Little Rock, la seconde dans les parages méridionaux du lac supérieur. Or, chose absolument inexplicable, la première apparition s'était faite dans l'après-midi du 26 juin, la seconde dans la soirée du même jour. Comme, entre ces deux points du territoire, la distance n'est pas inférieure à 800 milles, si, étant donné son invraisemblable vitesse, l'automobile pouvait couvrir ce trajet en peu de temps, encore aurait-on dû l'apercevoir lorsqu'elle traversait l'Arkansas, le Missouri, l'Iowa, le Wisconsin. En effet, ce n'était que par terre, non autrement, que le chauffeur aurait pu effectuer le voyage, et pourtant son passage ne fut signalé nulle part. C'était à n'y rien comprendre, on l'avouera, et le vrai est qu'on n'y comprenait rien. Du reste, après sa double réapparition sur la route de Little Rock et près du littoral du lac supérieur, on ne l'avait plus aperçu. Aussi, mes agents et moi, nous n'eûmes point à nous mettre en route. On sait que le gouvernement eût voulu entrer en communication avec le mystérieux personnage, mais il fallait abandonner toute idée de s'emparer de sa personne et arriver au but par d'autres moyens. Ce qui importait, et ce dont s'inquiétait plus spécialement le public, c'était que l'Union devint seule propriétaire d'un appareil lui assurant une incontestable supériorité sur les autres pays, surtout en cas de guerre. Il était à croire d'ailleurs que l'inventeur devait être d'origine américaine, puisqu'il ne se montrait que sur le territoire américain et qu'il préférerait sans doute traiter avec l'Amérique. Voici la note que publièrent tous les journaux des États-Unis à la date du 3 juillet. Cette note était conscience et terme des plus formels. Dans le courant d'avril de la présente année, une automobile a circulé sur les routes de la Pennsylvanie, du Kentucky, de l'Ohio, du Tennessee, du Missouri, de l'Illinois, et le 27 mai pendant le match de l'American Club sur les routes du Wisconsin, puis elle a disparu. Au cours de la première semaine de juin, un bateau évoluant à grande vitesse a parcouru les parages de la Nouvelle-Angleterre entre le Cap Nord et le Cap Sable, et plus particulièrement en vue de Boston, puis il a disparu. Dans la seconde quinzaine du même mois, un submersible a manœuvré sous les eaux du lac Kendall, au Kansas, puis il a disparu. Tout porte à le croire, c'est au même inventeur que sont dus ces appareils, qui n'en font peut-être qu'un seul, aptes à circuler sur terre comme à naviguer sur mer et sous mer. Une proposition est donc adressée au dit inventeur, quel qu'il soit, dans le but d'acquérir le dit appareil. En même temps qu'il est invité à se faire connaître, il est prié d'indiquer le prix auquel il consentirait à traiter avec le gouvernement américain et à envoyer sa réponse le plus tôt possible à l'hôtel de la police, Washington, district de Columbia, États-Unis d'Amérique. Telle fut la note imprimée en gros caractères dans les journaux. Assurément, elle ne tarderait point à tomber sous les yeux de l'intéressé, en quelque lieu qu'il fût. Il la lirait, il ne pourrait manquer d'y répondre d'une façon ou d'une autre. Et pourquoi refuserait-il d'accepter une pareille offre? Il n'y avait plus qu'à attendre la réponse. On se figure sans peine de quel accès de curiosité fut saisi le public. Du matin au soir, une foule avide et bruyante se pressait devant l'hôtel de la police, guettant l'arrivée d'une lettre ou d'un télégramme. Les reporters ne quittaient plus leur poste. Quel honneur, quelle aubaine pour le journal qui le premier publierait la fameuse nouvelle. Savoir enfin les noms et qualités de l'introuvable inconnu, et s'il consentait à entrer en rapport avec le gouvernement fédéral? Il va sans dire que l'Amérique ferait largement les choses. Les millions ne lui manquent pas, et le fallut-il, ces milliardaires ouvriraient toutes grandes leurs inépuisables caisses. Une journée se passa. À combien de gens nerveux et impatients, elle parut compter plus de 24 heures, et les heures parurent durer plus de 60 minutes. Pas de réponse, pas de lettre, pas de dépêche. La nuit suivante, rien de nouveau, et il en fut de même pendant 3 jours encore. Alors se produisit ce qui était à prévoir. Les câbles avaient appris à l'Europe ce que proposait l'Amérique. Les divers États de l'ancien continent feraient tout autant qu'elle leur profit de cette invention. Pourquoi ne pas lui disputer la possession d'un appareil dont il y avait à tirer des avantages si considérables? Pourquoi ne pas se jeter dans la lutte à coups de millions? En effet, les grandes puissances allaient s'en mêler. La France, l'Angleterre, la Russie, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne. Seuls les États de second ordre n'essaieraient pas de se lancer dans la bataille au détriment de leur budget. La presse européenne publia des notes identiques à celles des États-Unis. Et en vérité, il ne tiendrait qu'à l'extraordinaire chauffeur de devenir un rival des Gould, des Morgan, des Astor, des Vanderbilt et des Rothschild de France, d'Angleterre ou d'Autriche. Et comme le dit personnage ne donnait pas signe de vie, voici que des offres fermes lui furent faites pour l'engager à dissiper le mystère qui l'entourait. Le monde entier devint un marché public, une bourse universelle où se débattaient d'invraisemblables enchères. 2 fois par jour, les journaux en indiquaient le chiffre, et elles allaient toujours croissant de millions en millions. En somme, ce furent les États-Unis qui, après une mémorable séance du Congrès, l'emportèrent grâce au vote de 20 millions de dollars, soit 100 millions de francs. Eh bien, il ne se rencontra pas un seul citoyen en Amérique, à quelque classe de la société qu'il appartint, pour trouver ce chiffre exagéré, tant on attachait d'importance à la possession de ce prodigieux engin de locomotion. Et moi, tout le premier, je ne cessais de répéter à la bonne grade que ça valait plus que ça. Sans doute, les autres nations n'étaient pas de cet avis, car leurs enchères s'arrêtèrent au-dessous de ce chiffre. Et alors éclatèrent tous les propos de rivaux battus. L'inventeur ne se fera pas connaître. Il n'existe pas. Il n'a jamais existé. C'est un mystificateur de grande allure. D'ailleurs, sait-on s'il n'a pas péri avec sa machine au fond de quelques précipices, englouti dans les profondeurs de la mer? Les journaux de l'ancien monde s'en payèrent dans les grands prix. Par malheur, le temps se passait. Aucune nouvelle de notre homme, aucune réponse de lui. Il n'était plus signalé nulle part. On ne l'avait pas revu depuis son évolution sur les parages du lac supérieur. Pour mon compte, ne sachant que penser, je commençais à perdre tout espoir d'une solution de cette étrange affaire. Or, dans la matinée du 15 juillet, voici qu'une lettre sans timbre fut trouvée dans la boîte de l'hôtel de la police. Après que les autorités en eussent pris connaissance, on la communiqua aux journaux de Washington qui la publièrent dans un numéro spécial en donnant le fac-similé. Elle était conçue en ces termes.